corazón, mi corazón. Pero dije bien clarito. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Guémozo. On se retrouve pour un nouveau numéro de 90 minutes pour Boomerang, comme tous les 15 jours, avec une équipe aujourd'hui présente en studio un petit peu différente. On fait un petit coucou à Dominique et Pascal qui seront absents pour ce numéro, mais on retrouve la présence de Magali. Bonjour à tous, par ce beau soleil. Oui, Félicie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous nous écoutez avec le petit rafraîchissement sur le banc. Près de votre maison ? À l'ombre. À l'ombre, oui. Segundino était présent avec nous aussi aujourd'hui. Chers auditeurs, bonjour. Et puis, aujourd'hui, une petite différence, notre amie Mika. Mika, que vous connaissez bien sûr, Radio Guémozo, à la technique et à l'animation. Messieurs, dames, bonjour. Voilà. Donc, on va démarrer par un sujet avec notre amie Félicie. C'est toi qui ouvres le bal aujourd'hui et tu nous emmènes dans l'univers de Jean de La Fontaine avec deux poésies qui vont nous embarquer sur un thème que tu vas nous faire découvrir. On t'écoute. Je me jette pas à l'eau, je me jette à La Fontaine. Hein. C'est le cas de le dire. Alors voilà, alors en fait, je me suis réintéressée un petit peu aux fables de La Fontaine récemment. Et sans être moraliste, j'ai envie de me pencher sur un thème cher à La Fontaine et qui m'interpelle fort aussi chez lui. C'est le rapport du fort et du petit, en fait. Alors, je vais vous lire deux petites fables, en fait, si vous permettez. C'est toujours agréable de réentendre la fable dans son intégralité. Mais on t'écoute avec plaisir. Donc, je vais commencer par le lion et le rat. Alors, il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose est en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre s'est à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, c'est-à-dire les raies, c'est des petits filets, dont ses rugissements ne purent le défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus force que ni que rage. Bon, ça, c'est la morale. Hein. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Mais c'est le thème du lion qui a besoin du petit, le tout petit rat qui va le délivrer de ses filets. Alors, je vous poserai des questions après, mais je vais continuer par une autre. Non, c'est moi qui pose les questions après. Ah, c'est toi qui pose les questions après. Je blague. Mais ce qu'on peut dire dans un premier temps pour planter le décor de ta chronique, c'est que Jean de La Fontaine est quand même réputé, plus de 300 ans plus tard, à croquer finalement le comportement humain. Et on s'aperçoit avec les années, les décennies qui passent, qu'il est d'actualité Tout à fait. Il est complètement actuel. Qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos sociétés, finalement, les comportements, les émotions, les rapports humains tels qu'ils sont. C'est des moralités purement humaines. Oui. Alors, je vais vous lire donc cette petite colombe et la fourmi. Donc, l'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on vue la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant, c'est un paysan, qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il vit l'oiseau de Vénus, donc la colombe, Il le croit en son pot et lui fait déjà fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Ouais. Le paysan qui s'est fait piquer au talon par la fourmi, le villageois qui voulait tuer la colombe s'est fait piquer par la fourmi. Et en fait, la fourmi avait été aidée par la colombe elle se noyait dans un ruisseau. Voilà. Donc ces deux petites fables. J'espère que je les ai dictées correctement. Alors toi déjà, Félicie, qu'est-ce qui t'anime chez ce poète, d'une manière générale? Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de nous l'évoquer, en fait? Ah, je ne sais plus, j'ai un trou. C'est récemment, je me suis réintéressée aux fables de La Fontaine. Je crois que c'est en lisant « J'étais chez moi et j'attendais que la pluie vienne ». C'est un petit livret de théâtre publié au Solitaire intempestif. Et en fait, dans ce livre, il y avait une petite allusion à La Fontaine. Et c'est vrai que je me suis dit, ce thème qui est cher à La Fontaine aussi et qui me touche, tu me demandais pourquoi, c'est ce rapport avec le fort et le petit, quoi, le gros et le petit, le fort et le faible. Alors, est-ce que vous pensez que dans la nature, dans la vie... je parle pas trop de la vie humaine, enfin quoique on séparera les deux, on y reviendra, mais déjà dans le monde animal, est-ce que vous pensez que vraiment les forts peuvent aider les petits? Alors la question est lancée à l'équipe autour de cette table. Est-ce que les petits sont destinés à se faire manger ou non? La nature a fait les choses comme ça, ouais. Parfois le petit aide le grand, parfois le grand aide le petit. Mais oui. D'une manière générale... L'écosystème, ouais. Bah si, c'est une vérité. Ouais. C'est une vérité, oui. Mais tu trouves que c'est plus dans un sens que dans l'autre ou qu'il y a un équilibre, en non, fait, 50-50 ça... Enfin, maintenant que l'homme est devenu le pire des prédateurs, il n'est pas forcément le plus grand, mais c'est un terrible prédateur. Alors c'est un prédateur par rapport à quoi devant, il a une fourmi devant un éléphant, il les terrasse tous, il les braconne, il détruit la nature, il fout en l'air des arbres, on compte plus les hectares de forêt qui sont dévastés tous les jours, alors qu'ils nous sont utiles pour l'air lui-même. La nature ne va pas bien à cause de l'homme, la nature c'est les animaux avec, hein. Après toutes ces petites moralités s'accumulent les unes derrière les autres. Attends Magali, on finit juste la démonstration puis après tu pourras réagir. Toutes ces moralités qui s'accumulent les unes derrière les autres, elles montrent bien ça, ouais. Que l'animal peut être même on dit qu'il y a des dauphins de longue date du temps des Grecs de légendes grecques que des dauphins ont sauvé des hommes. On dit que on disait déjà en légende, hein, ça c'était impossible, que des baleines ont abrité des hommes. Oui, mais j'entends dans ton discours qu'en fait finalement tu fais un parallèle, l'homme serait prédateur, certains animaux devenu. Aussi par rapport à d'autres, ça s'est prouvé, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre l'homme et l'animal? C'est que l'animal, il est dans un mode de, disons il chasse, ou en tout cas il domine certaines autres races parce que c'est l'instinct et que c'est le règlement de la nature qui est comme ça, parce qu'il faut qu'il se nourrisse. Ou est-ce que finalement il y a une conscience aussi chez l'animal, je pense aussi, mais qui n'est pas forcément la même que l'homme, qui lui peut justement dominer l'autre d'une manière absolument inutile, des fois, pour faire du mal, simplement, pour vouloir être le plus fort, mais avec une conscience justement d'égo. Est-ce qu'il y a un égo chez les animaux aussi, d'une certaine manière ? On voit des choses stupéfiantes des fois. Mm-hmm. Moi, j'ai vu lors d'un reportage télévisé, un reportage, un documentaire sur les animaux. Il y avait l'action était là, c'était un guépard qui avait tiré toute sa fougue et toute sa force pour chasser. Il y avait des antilopes pas loin, il se met à chasser et il rate sa prise. Après, il est affamé, quoi. Il est sans force, il doit attendre un moment pour se ressourcer et il a faim. Il avait faim depuis un moment. Et par hasard, il y avait une femelle qui avait mis bas pas loin et le petit tenait à peine ses quatre pattes. Le guépard, tu te dis, le guépard va se faire bouffer. Moi, c'est un des plus beaux documentaires. Mais finalement, dans ce que tu décris, c'est un instinct, ça, plus. Oui. Hein, tu dis qu'il va se faire manger. Mais alors, tu vois le truc, il arrive devant le petit, il commence à le sentir comme ça, de son odorat, et il l'a épargné. Parce que ce qui est marrant, c'est j'évoque les animaux, mais on fait un parallèle avec les fables de La Fontaine que Félix nous évoque, où justement, il est question d'animaux. Mis en scène dans tous ces. Parler finalement d'émotions humaines, qu'elles soient négatives ou positives, de rapports humains. C'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi un antilope un jour n'aiderait pas ce lion, ce guépard? Je pense que ça a déjà pu peut-être exister si un lion est en faiblesse, étant blessé, n'étant pas dans ses capacités. Je veux dire, la nature nous offre des fois des exemples absolument surprenants. Je crois que c'est sur ces exemples surprenants qu'il faut qu'on s'appuie. Voilà. On voit ça quelquefois dans Internet, des choses un peu solide comme ça. Oui, sur les reportages. Et c'est tellement touchant, moi ça me touche. Et je me dis, mais c'est de ces animaux-là qu'on doit tirer des leçons, des enseignements. Entre eux, Magali, tu voulais réagir il y a quelques minutes. Oui, moi j'étais pas d'accord avec toi parce que tu dis le... C'est bien ça, c'est boomerang ça. T'as raison, vas-y, défends ton morceau. Parce qu'il disait que les éléphants ils détruisent tous, mais je dis, on est bien des fois content de les avoir. Parce qu'il dit, comme il dit... C'est pas tout à fait ce qu'il disait, il détruit la nature, tu disais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'homme détruit l'éléphant. L'homme le braconne. Ah oui. L'inverse. Qui est un exemple, il détruit pas que l'éléphant d'ailleurs. Non, il détruit pas que ça. L'éléphant, c'est... Depuis qu'il y a la poudre, depuis que les Japonais ont inventé la poudre, on a le fusil, on a tout ça. Oui. Alors, il y a que l'homme qui a ça. Il braconne l'éléphant pour l'ivoire. Il fait ce qu'il veut. Avant, il y avait l'arme blanche avant la poudre. Oui, exactement. Et là, il fallait courir. Moi, je dis pourquoi un petit n'aurait pas le droit d'aider un grand? Justement, c'est la question que soulève le poème de Félicie. Je dis, un grand peut aider un petit, mais le petit peut aider aussi un grand. S'il en a la force, oui. S'il a la force, si par exemple, il construit une maison et puis que le grand, il ne sait pas trop comment faire, le petit peut venir l'aider. Hein. Parce qu'il y a aussi des exemples, on voit sur la plage, il fait chaud, on pense à la mer, on pense à l'été qui arrive. On voit souvent des exemples sur la plage d'enfants qui font des châteaux de sable, qui construisent des châteaux de sable, puis tu as souvent le petit gamin à côté qui vient l'écraser, qui vient sauter dessus. Moi, ça m'a toujours un petit peu frappé. Dans mon enfant, j'étais pas comme ça. Moi, j'applaudissais, justement. J'étais content. Ou alors, je rajoutais une muraille, j'en rajoutais une tour, j'embellissais le château, et puis je me faisais un petit copain en passage. Mais je remarque que la plupart du temps, il y a beaucoup de gamins qui écrasent le petit château du voisin sur les plages. C'est un exemple de domination aussi, mais c'est dû à quoi, ça? On peut peut-être l'évoquer. Tu parles de ça, mon neveu fait encore mieux. Tu lui construis quelque chose, il n'est pas content, il casse ce que tu lui as fait. Donc il veut dominer. Oui, il veut dominer. C'est moi qui veux faire et c'est moi qui ferai. Mais est-ce que ça ne vient pas d'une faiblesse? Moi, je crois que on a soi-même au départ, justement, on veut dominer. Je lui dis, tu sais pas, on peut t'aider. Mais lui, il dit, non, moi, je veux faire. Alors pourquoi, justement, il veut faire, mais en cassant ce que fait l'autre? Parce qu'il n'est sans doute pas content, il n'a pas réussi. On n'est pas dans une construction, là, en fait, Magali. Non. On est plus dans « moi, je te démolis » pour ensuite, moi, régner. Oui, voilà. Hein. Et toi, Mika, qu'est-ce que t'en penses de tout que ça? Que de sujets intéressants. Mais oui. Déjà, chapeau Jeannot, Jean de La Fontaine, pour avoir eu l'idée de ce prisme des animaux. Joli jeu de mots, Maître Capello, Jeannot Lapin. On parle des animaux avec Jean de La Fontaine. Mais fallait trouver ça, les animaux pour parler des hommes. Là, dans tout ce que vous avez dit, il y a plein de choses qui m'ont plu. En tout cas, par rapport au questionnement, les réponses, je pense qu'on ne peut pas les avoir. En tout cas, comme souvent, il n'y a pas de vérité absolue. Déjà, aller à l'encontre de son instinct, puisque ce que vous avez dit là, j'ai l'impression que c'est une histoire d'instinct naturel. Et est-ce qu'on peut aller à l'encontre? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que de temps en temps, la nature permet des exceptions. Oui. Historiquement. Alors, est-ce que l'homme, pour élargir un petit peu ton opinion, ta réaction, est-ce que l'homme, finalement, est toujours dans un instinct? Est-ce qu'il n'est pas aussi non plus doté d'une conscience, finalement? Alors, je dirais pas supérieur aux animaux, différente, où justement, il est peut-être capable, lui, à la différence des animaux, de créer. Oui, ça serait dans les côtés positifs. Donc il peut créer aussi du mal, on le voit tous les jours. Bah, est-ce que les animaux se font la guerre entre eux, ils chassent pour se nourrir, bon, il y en a qui se combattent, effectivement, il y a un rapport de force aussi, ça on l'évoque. Mais l'homme, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça vraiment une conscience, une volonté de faire du mal aussi par moment? Enfin, on en a les exemples tous les jours, on vient de voir Bachar al-Assad sans vouloir ramener la politique sur le terrain, mais bon, c'est un exemple d'humain avec les attaques chimiques où il y a quand même là vraiment une volonté d'attaquer des innocents, quoi, pour régner, finalement. Ça, c'est faire du mal pour faire Donc on n'est pas dans une logique d'instinct animal, même qui se battrait ou qui chasserait en tuant l'autre, en lui courant après, pour le rattraper et le tuer sa proie. Pour les animaux, c'est la loi de la jungle, mais quand c'est les humains, j'ai l'impression que les humains sont à la dérive depuis, depuis le siècle passé, le début du siècle passé. Ils sont à la dérive, la modernisation, l'industrie, la pollution. Les années 30. Pourquoi que du siècle passé? Moi, je remonterais bien avant le siècle passé. On a bondi le développement industriel. Exactement, on a bondi en progrès en 100 ans, ce qu'on n'a pas bondi en 500 ans. Ouais, ça c'est vrai. Ou 800 ans d'histoire auparavant. Moi je suis d'accord. Ça a été tel que, je te dirais, le gâteau est tellement sucré que tes dents sont en train de pourrir. Oui. C'est une belle vision. Où les dents rayent tellement le parquet, finalement, tellement qu'elles sont longues. Exact. Chez certains. Ouais. Bon, après, il ne faut pas généraliser. Je pense aussi que dans une société humaine, il y a des gens merveilleux aussi à chaque génération, bon, qui se détachent de la masse, mais aussi des anonymes, aussi qui font le bien autour d'eux, vraiment, finalement, dans l'anonymat et tous les jours. Hein. Oui, Félicie. Je peux parler de deux films qui m'ont marqué justement sur en rapport avec avec les animaux. Hein. Je quitte La Fontaine. Oui, mais on reste dans le même sujet. Voilà, hein, d'accord. Vous l'avez vu sûrement, chers auditeurs, c'est le film Deux frères. Mm-hmm. Les deux petits tigres, il y en a un qui est accueilli, qui va dans un cirque, qui est adopté pour un cirque. Et l'autre, adopté par une famille de colons. Des colonisateurs. Oui. Et le petit garçon, c'est son roudoudou, quoi. C'est son léopard. Des guépards, je crois. Non, des tigres. Il a son petit tigre, là, et il en est fou. Et ils grandissent, et ils se font séparer et tout. Et un jour, ils se retrouvent dans une arène. En fait, il y a un monsieur très, très méchant qui n'a qu'une intention, c'est que c'est comme des combats de coqs, quoi. Il veut les faire se battre l'un contre l'autre, et ils se reconnaissent, en fait. Ils comprennent qu'ils sont frères dans l'arène. Mmh. Et au lieu de se détriper comme tout le monde espère, ils commencent à jouer. Et ils font peur à tout le monde quand même. Hein. Alors justement, que pensez-vous peut-être des animaux qui sont nés en captivité, même des animaux sauvages, pour être utilisés dans des cirques, par exemple, ou dans des zoos? C'est malheureux. Parce que finalement, les animaux qu'on voit dans les zoos, la plupart n'ont jamais vécu dans leur milieu naturel, ils sont nés en captivité. Dans les cirques, la plupart aujourd'hui sont aussi nés en captivité et ont toujours été finalement dressés, n'ont pas été à l'état sauvage, mais ont quand même leur propre instinct, leur part de vérité et de naturel qui ressurgit, c'est le cas de le dire, parfois, et on voit des drames. Est-ce que vous êtes pour ça, ou est-ce que vous êtes pour on n'a pas le choix, parce que les parents ayant vécu en dehors de la liberté, eux-mêmes ne peuvent pas enseigner aux petits la chasse. Ouais. Par le jeu et être les prédateurs qu'ils sont. Donc on les remettrait dans leur milieu naturel, ils seraient perdus complètement. Ils seraient déformés. C'est impossible. Voilà. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension d'anthropomorphie, c'est-à-dire d'humanisation de l'animal à travers le cirque, où justement on l'humanise en lui faisant faire des choses qui ne sont pas naturelles et qui s'apparentent peut-être à des gestuelles humaines ou à des acrobaties que l'être humain peut faire, lui, en toute conscience? On ne voit pas vraiment l'animal lui-même, tu veux dire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est Kundino. Parce que c'est pas pour faire triompher l'humain d'avoir réussi à imposer ça en dressant un animal qui au départ n'aurait pas jamais pu faire ça, quoi. On est toujours un peu dans cette question de dominer. De toute façon, ils les prennent petits, hein, pour pouvoir les dresser. Mais oui, ils les prennent pas adultes ou un truc comme ça, parce que c'est sauvage. Bah non, ils seraient trop. Mais ou alors quand ils les ont soignés, quand ils ont capturés et qu'ils les ont soignés, ils deviennent un peu plus dociles. Oui, ouais. Mais c'est vrai que chez les félins, c'est difficile. Moi, je suis contre les animaux au cirque. À part les chevaux. Au moins, la position est claire. Et pourquoi, tu peux nous argumenter ? Parce que moi, j'ai failli me faire charger par un éléphant. Dans un cirque ? Non. Sur un spectacle ? Il était autour du cirque. La représentation n'était encore pas... Donc, quand tu visitais la ménagerie, en fait. Oui, voilà. Mmh. Et je suis venue avec tout mon amour pour cet éléphant. Mmh. Et j'ai cru qu'il allait me charger. Et en fait, moi, j'ai honte de ce qu'on fait à ces animaux dans les cirques. À part les chevaux, je dis bien. Alors, pourquoi ? Parce que le cheval, une fois qu'il est bien docile, il peut être proche de l'homme et il peut en prendre plaisir. Donc le cheval, on le met peut-être à part parce que c'est un animal qui est cher à l'homme, qui l'a finalement accompagné depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, puisqu'on voit des gravures dans l'Antiquité aussi, dans tout pays où il est représenté. Il a servi aussi pour les paysans, pour le labour, comme force de traction, pour les premiers finalement transports aussi, avec les diligences, tout ça. Et il continue aujourd'hui aussi dans le domaine des courses aussi, et puis de la plaisance. Hein. Mais c'est vrai que moi j'ai honte de ce qu'on fait des animaux dans les cirques, mais moi j'ai autant honte de moi, parce que moi j'ai une petite chatte, bon, elle a 8 ans maintenant, elle n'est jamais sortie avant, sa mère, elle s'est retrouvée dans un moteur de voiture, en fait, elle était grande, elle faisait 7 cm, sa maman, elle était perdue, et sa maîtresse, première maîtresse, l'a trouvée dans un moteur de voiture, enfin je ne vais pas vous faire tout le elle cinéma. Elle devait pas être très grande si elle faisait que 7 cm, ça ne fait pas énorme. Un petit chaton. Oui, enfin elle était petite, elle était petite. Et sa maîtresse l'a recueillie, et chez sa maîtresse, elle ne sortait jamais. Il y avait une toute petite fenêtre de 50 cm carrés, elle n'allait pas dehors. Et donc du coup, tout le monde me dit « Ah, mais elle ne va pas dehors, elle ne peut pas être en forme, elle ne peut pas se muscler, elle ne peut pas être... » Ben oui, mais elle n'est jamais allée dehors, donc ce serait un risque à prendre. Elle n'arriverait peut-être pas à se débrouiller. Je pense que la connaissant, son instinct reviendrait vite, mais quoi, elle serait désemparée pour manger. Ou pas, comme on disait tout à l'heure avec Ségundino, justement, elle serait peut-être curieuse. Je pense qu'elle s'est un peu humanisée, mais je fais attention à ne pas trop la traiter comme un bébé, justement, à la laisser comme un chat. Et finalement, chez moi, elle est heureuse, puisqu'elle a balcon. D'accord. Donc voilà. Enfin, je voulais juste dire ça, mais c'est vrai que les animaux à l'intérieur, c'est Magali. Pas top. Je disais, Félicie, pourquoi t'essayes pas de la mettre dehors ? Elle serait peut-être curieuse, elle irait peut-être à l'aventure voir ce qui se passe. Elle serait peut-être contente d'aller dehors. Bah oui, mais j'habite au premier étage, donc elle sonne. Comment elle fait pour sonner en bas ? T'as déjà essayé peut-être, de l'amener en la portant sur laisse, toi ? Sans laisse même, en la portant avec toi. Je l'amène dehors. Hein. Je l'amène chez le vétérinaire. Voir si elle n'est pas effarouchée par les bruits, les gens autour. Elle est terrorisée. Donc après, c'est peut-être aussi une habitude à prendre, un comportement à avoir progressif. Faudrait que tu vois avec ton vétérinaire. Faudrait que je vois peut-être l'amener en laisse, faire un petit tour. Mais... Mickaël, je te vois sourire. Mais tout ça, tout ce qu'on dit là, interroge sur un point, la place de l'homme, la place qu'il s'est donnée. Puisque j'ai l'impression qu'au lieu que ça soit un équilibre, il s'est placé tout en haut de la pyramide. La pyramide. Sa mégalomanie l'a amené à la folie. Par sa conscience suprême, qui prétend finalement, ou qu'on prétend entre guillemets avoir, on s'inclut dedans, allez hop. Même si on se sent aussi peut-être pas forcément dans le lot, dans le sillage, on fait partie quand même de la race humaine. De toute façon, il se passe une chose, on a un réchauffement climatique qui n'est pas dû qu'à comment dire, la pollution, qui est dû aussi à un réchauffement de la Terre. Alors quelque part... la nature elle-même, le changement qu'elle prend, le changement qu'elle prend, elle le fera peut-être payer à l'homme. Et c'est intéressant comme ce que tu évoques, ça donne une autre piste à notre débat, justement. Je veux dire, les animaux... Ils disparaissent. Comment dire, sont amenés à disparaître, hein, c'est une vérité. C'est vrai, Magali. Tous, et ça, sauf les petits rongeurs, les petits... Les oiseaux aussi. Hein. Les oiseaux aussi, les hirondelles aussi. Je regardais sur... Les abeilles. J'avais lu sur un truc, les asticots. Oui. Oui. Quand tu as un champ, quand tu as une route, il y a une époque, tu en trouvais, admettons, 10 dans la terre. Pour 10 cm cubes de terre, 10 ou 15. Maintenant, tu es obligé de creuser beaucoup plus loin pour en retrouver. Les oiseaux, pareil, ils se sont réfugiés. Tu en as pu tout près comme tu avais à une époque. Tu as trouvé un coucou, tu es carrément obligé de te renfoncer dans la nature pour trouver ces rares oiseaux. Ouais. Qu'avant, ils venaient de chanter sur l'arbre proche de ta fenêtre. Oui, et paradoxalement, on essaye de réintroduire de plus en plus dans les réserves, dans les parcs naturels, des ours. Bon, il y a eu les lynx il y a une trentaine d'années dans les Vosges, mais apparemment, ça a été un échec de ce que j'ai entendu. Les castors aussi, mais bon, ils font des dégâts sur les rives de rivières, ils les effondrent, et ainsi de suite, parce que peut-être aussi que l'homme, finalement, a évolué, entre guillemets, hein, je dis bien évolué, on ne sait pas si c'est une évolution, finalement, au bout du compte, mais en tout cas, la société n'est plus la même, et que de mettre des ours, finalement, dans un milieu naturel, moi, je vois sur les Hautes-Pyrénées, c'est plus le site n'est plus le même, n'est plus exploité de la même manière qu'il y a 100 ou 150 ans en arrière. Parce que maintenant, il y a des routes, des voitures, il y a du tourisme qu'il n'y avait pas il y a 150 ou 200 ans en arrière. Et que finalement, bah, les gens, ils ont peut-être peur de se retrouver nez à nez. Ou alors, eux sont peut-être, les ours aussi, pas aussi agressifs que dans l'imaginaire de l'homme. Comme le loup, d'ailleurs. Hein, l'exemple du loup, on l'a beaucoup dans les Vosges aussi. Hein. L'urbanisation a beaucoup... L'urbanisation. Tout le monde veut réagir, mais ça sera chacun son tour pour nos auditeurs. L'urbanisation, c'est faire sentir ces éloignements d'espèces, de nos maisons, des constructions qu'il y a eu. Ils se sont éloignés, même s'il y a de la forêt énorme. Ici, nous qui sommes dans les Vosges et qui sommes dans une vallée, même comme ça, il va falloir rentrer dans la forêt pour voir certaines espèces qu'on voyait devant la maison. Voilà, c'est à ça que je pensais. Michael. Tu parlais d'ours. L'ours, c'est un exemple. Hein. Magnifique film de Jean-Jacques Hano qui a aussi réalisé Deux frères dont parlait Félicie. Oui. Et plus proche de nous, c'était il y a 3 ans, Le Dernier Loup. C'est un réalisateur qui est aussi qui a une conscience. Et l'enfant et le renard. Jean-Jacques Hano, il y a eu aussi un film, L'enfant et le renard. Oui, il est magnifique ce film. Et il y a aussi le film avec Laetitia Casta. Mais l'enfant et le renard a été moins médiatisé que l'ours à l'époque. Jean-Baptiste Ivoire, elle est amoureuse d'un Italien. De l'eau d'un pour Italien. Les éléphants aussi. Les éléphants. Tu évoquais quoi, Félicie? Un film avec Laetitia Casta. C'est elle veut devenir vétérinaire dans les années 30. Ça ne me vient pas à l'esprit, là, dans l'immédiat. Elle s'occupe de loups. Bah, on va se faire une pause musicale, je vous propose, parce que c'est un sujet vaste, on est bien parti dessus, et justement, en accord, la musique du Roi Lion, peut-être, Michael? C'est l'histoire de la vie. De ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir. Pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie. l'univers du Roi Lion avec l'histoire de la vie. Vous êtes sur Radio Gémozo, nous sommes toujours ensemble dans la deuxième partie de ce 90 minutes pour Boomerang, avec aujourd'hui avec nous en studio Félicie Magali Segundino, notre amie Mika. Mika, Marcus, on se mélange les prénoms, JB et JB, bien sûr, voilà. Alors, on est en train de parler des animaux. Vas-y. Ça allait parfaitement, hein, cet extrait du Roi Lion, l'histoire de la vie, avec ce qui a été dit juste avant. Et il y aurait eu la possibilité de passer également, je pense, une chanson qui vous parle, Hakuna Matata, extrait aussi. Oui, ce dessin animé. Bon, mais oui. On avait le choix, on a tranché. Ça sera pour une prochaine fois, qui dit. Alors, c'est Félicie qui a choisi. J'aurais dû choisir l'autre. Non, c'est bien. Je sais pas. C'est toi qui as choisi. Alors, on évoquait, pour évidemment rappeler à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, certaines fables de La Fontaine que tu nous as donc narrées en début d'émission. Oui, le lion et le rat, et la colombe et la fourmi. Qui évoquent les émotions humaines depuis tant d'années. La relation du petit au fort, en fait. Voilà. C'est ce qu'a voulu expliquer La Fontaine dans ces fables-là, la colombe et la fourmi, le lion et le rat. Mais nous, je pense, nous sommes pareils, nous sommes tous autour de cette table, nous sommes tous différents, il y a deux baraquets. Elle t'a pas montré, Mika. Mais c'est vrai. On est tous différents. Donc on est les baraquets de service. Non, mais on n'a pas tous le même cerveau, tout ça. Non, on peut s'aider forcément. Ah, tu parlais intellectuellement. Ouais, non, mais. Oh là là. Je parle de. On a l'ego qui va fumer, c'est Gonino qui va sortir par les oreilles. Moi, je dis rien, moi. Non, mais ça, c'est très égocentré. Magali, elle a des. Moi, je suis pas avec vous. Magali, elle a des superbes. Je suis pas déçue du tout. Magali, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Magali, elle a des superbes grands cheveux. Elle peut, par exemple, venir un jour me les couper. Ah bon ? Voilà, quel c'est rapprochement. Eh ben, on n'a pas de rapport avec mes grands cheveux. Eh ben, on a toujours besoin de quelqu'un. Ah oui. Même pour couper les cheveux longs. C'est ça. Mais si on veut en rajouter à la tête à Mika. Il est plié dans son aquarium là. Heureusement qu'il est là pour nous faire la technique. Hein. On a un poisson ici. Sacré Mika. Un poisson qui a un casque. Il est en train de donner des jouis là. Il se dit qu'est-ce que je fous là. L'émission part à la dérive. Ouais. Il est temps que je reprenne les choses en main. Oui, je voulais juste rappeler une anecdote d'un très beau film que j'ai vu. Malheureusement, je me souviens plus du titre. Ce sont deux ouvriers, c'est pas des fermiers, américains qui décident de partir parce qu'il y a la guerre qui arrive. Et ils partent faire la guerre en Europe et ils laissent leur femme derrière elles. Et non, c'est pas la guerre 45. Je me trompe complètement. C'est le Vietnam. Ils partent au Vietnam et ils voient tellement d'horreur là-bas, des gens qui sont attachés à des palettes, mais le comble de l'horreur. Et il les attache à des palettes et il les plonge dans l'eau gelée. Donc on est vraiment là dans un exemple de torture, encore une fois, de domination, mais on est même dans le sadisme. Oui, donc je vais vous expliquer pourquoi j'en viens à ça. En fait, ces personnes-là sont entraînées à tuer, elles sont obligées de tuer. Et ils reviennent, ils sont complètement traumatisés, comme tous ceux qui ont fait le Vietnam. Et il y en a un sur les deux amis, là, qui s'étaient mariés en même temps, puis qui sont partis au Vietnam en même temps, qui était chasseur. Et un jour, il a voulu retourner à la chasse et il a poursuivi un chevreuil. Le chevreuil est monté sur un rocher. Il avait les pattes bien plantées sur le rocher. Il était en face du chasseur et il le savait qu'il allait lui tirer dessus. Il était à bout portant comme ça. Il le ressentait complètement. Et le chasseur l'a regardé et le chevreuil a semblé lui dire « Pitié. Si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu ne veux pas me tuer, ne me tue pas. Mmh. C'est toi qui choisis. » Et là, c'est un lâcher-prise incroyable. Ouais, il l'a regardé tellement honnêtement, en fait. Il était prêt à mourir et il a dit ben, « Si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu ne veux pas me tuer, eh ben, ne me tue pas. » Et en fait, le chasseur a baissé son arme et il est reparti. Il avait compris trop ce que c'était que la mort. Et le chevreuil était là, très simple, en train de lui dire « Mais si tu as envie de me tuer, tue-moi. » Et c'est... C'est un moment fort. En fait, Félicie, c'est intéressant ce que tu évoques, parce que est-ce que c'est, on n'est pas en train, finalement, à travers cet exemple, de démontrer que le meilleur moyen, finalement, de désamorcer quelqu'un qui veut nous dominer en face, ben, finalement, c'est de lui sourire et de dire qu'on l'aime, ou de montrer qu'on n'a pas... qu'il n'a pas de prise sur nous-mêmes. Oui, exactement, en fait. Je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, finalement, ça désamorce complètement son agressivité ou sa volonté de nous nuire ou de nous dominer, puisque finalement, il voit qu'il n'arrive pas à nous rendre vulnérables. Ouais. Et j'avais un autre exemple aussi, pas tellement lointain, quand il y a eu le tsunami, cette énorme catastrophe qui a fait 220 000 morts en 2004. Les animaux se sont éloignés du rivage bien le avant sentait. Les êtres humains, parce qu'ils ont ressenti les choses avant l'être humain, et finalement ne se sont pas, entre guillemets, fait avoir autant que les humains. Pas fait piéger par évidemment une catastrophe comme ça qui est absolument épouvantable, parce qu'ils avaient ressenti déjà les vibrations, quelque chose d'anormal dans leur perception, dans leur développement instinctif. Oui, c'est Gundino. Par contre, les hommes qui sont en accord avec la nature, les tribus, tout ce qui est... Ils sont beaucoup plus affûtés à... Eux, ils suivent le raisonnement animal, l'instinct animal, ils observent les animaux. C'est vrai. Et ça se passe bien ou ça se passe mal, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un feu, s'il se passe des buffles qui courent inconsciemment vite à cause d'un danger, qui risquent tous ces massacrés, les piétiner, quoi, ou une comment on appelle ça, une horde de J'ai pas le mot, excusez-moi. Je veux dire, toutes les tribus qui ont colonisé au début la Terre, qui vivaient en osmose avec des animaux, ne négligeaient pas les signes animaux, en gros. Je veux dire, c'était pour eux, ça faisait partie de leur survie. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas être que fort et dominant dans nos sociétés fabriquées de toutes pièces, et que si on nous remet comme ça du jour au lendemain dans un milieu naturel, la plupart seront perdus? Regarde le béton de New York, il y a du béton et des chiens en laisse. Même sans aller à New York. Non, mais je veux dire, New York est un bel exemple de construction où on ne voit pas un gramme de nature, s'il y a quelques parcs. Qu'est-ce qu'on a? Central Park est quand même absolument immense en superficie. Les chiens, ceux animaux qui se plaisent, les chiens, parce qu'ils sont très domestiqués, sont complices avec l'homme. Oui. Les chats, les écureuils. Félicie. Oui, il paraît qu'à Paris, il y a à nouveau des loups, des écureuils, des renards. Des rats aussi. Je peux le certifier. Non, mais je vous assure que la nuit. Il y a des loups et des renards et il y a des animaux qui viennent dans Paris. Après, il y a des points verts dans Paris, il y a des parcs partout, il y a des squares, il y a quand même la nature. Oui. Est-ce qu'on n'est justement pas, ça m'amène à vous poser cette question à tous, est-ce qu'on n'est pas peut-être dans une, malgré l'écologie qui est quand même relativement boudée, qui n'arrive pas vraiment à prendre dans l'esprit des gens, c'est pas quelque chose qui... Enfin, on a l'impression qu'individuellement, les gens sont de plus en plus sensibilisés, mais que d'une manière générale, sur une masse, sur le peuple, ça prend pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Segundino? Pourtant, l'écologie, ils ont commencé à en parler assez sérieusement. J'ai même regardé des reportages là-dessus. L'énergie solaire dans les années 70. Il y avait Antoine Wechter, Dominique Voynet, il y a déjà 25-30 ans. Donc, l'écologie était déjà, un projet de longue haleine et à rude épreuve. Je crois qu'ils arriveront, enfin moi dans ma tête optimiste, je dirais ils arriveront à avoir le trône qui mérite parce que il y a des choses à faire. Quand on voit, je suis allé à La Rochelle il y a une année, j'étais dans un bateau avec un gars qui avait déjà fait une traversée en solitaire. Et il nous disait, vous savez, je dis ça, je cherche vachement bien comme ça, vous êtes au milieu de l'océan, rien pour t'embêter. Puis le gars, il me dit, on n'est pas vraiment. Enfin, il ne m'a pas dit ça. Mais enfin, moi, j'en ai retenu qu'il n'était pas vraiment dépaysé, parce que quand il voyait les cercles de pollution, les bouteilles en plastique, les déchets, tout ça, au milieu de l'océan, on se dit, mais à combien de kilomètres ils sont? Ils sont à, sont à deux pas, quoi. Moi, ça m'a choqué. Est-ce que maintenant, finalement, pour prolonger ce que tu dis, Segondino, cette prise de conscience qu'il y a quand même, malgré tout, n'est pas due aussi au fait qu'il y a 25-30 ans en arrière, les Verts, quand ils parlaient de l'écologie, c'était quelque chose d'abstrait, parce qu'on ne voyait pas, on commençait pas encore à voir les effets néfastes, et maintenant on les observe avec le réchauffement climatique, avec ces choses que tu viens de citer, et que maintenant on est devant le fait accompli, mais il est un peu tard, quoi. Alors, ça a commencé avec la lutte anti-nucléaire, les déchets nucléaires, où on les enterrait, on payait pour aller les enterrer en Afrique. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires. Il fallait enfouir quelque part, mais pas chez nous. Dans des terres arides. Dans des terres arides, dans des pays soi-disant pauvres, aussi développés, entre guillemets. Ça a été donc aussi... Oui, Félicie. Soutenez Bure. Hein. Il faut pas qu'à Bure. Oui, il y a l'exemple de Bure aussi. Hein. Non, il ne faut pas que ça se fasse à un Bure. Il faut qu'ils mettent la clé. Plus près de chez nous. Mais la seule clé qu'ils peuvent faire, c'est arrêter toutes les centrales. Et puis, je sais que des systèmes. Beaucoup disent que des systèmes. Alors pourquoi on ne les arrête pas, justement C'est intéressant que tu ailles jusqu'au bout de ton idée. On dit déjà que les systèmes qui amènent de l'énergie non polluante existent. Il y a les barrages hydroélectriques, le solaire. Les barrages hydroélectriques, on a eu les exemples après la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale avec les barrages EDF. EDF a fait vraiment construire d'énormes barrages. Il y a l'exemple du barrage de Tignes dans les Hautes-Alpes, où on a englouti ce fameux village du vieux Tignes, qu'on voit tous les 10 ans quand il vidange le lac pour vérifier la structure du barrage. Mais finalement, on voit que ça alimente en kilowatts certains secteurs, comme une ville comme Grenoble, par exemple, en taille. Mais ça ne s'est pas... Il y a aussi les usines marémotrices aussi, où on utilise la force des marées. Mais on voit quand même que ça ne s'est pas développé autant que l'énergie nucléaire pour nourrir l'électricité sur des pays comme l'Europe, d'autres. Comment on appelle ça, les éoliennes. L'énergie éolienne aussi, oui. Au Portugal, j'ai vu que ça s'est développé pas mal là-bas une fois. La dernière fois que je suis allé. Ça se développe pas en France. On est contre. Si, il y a des endroits où ils en ont beaucoup. Du côté de la Moselle là-bas, il y a des endroits où on en croise. Oui, dans l'Aube aussi, vers Troyes aussi, Ligny-en-Barrois, tous ces endroits-là. Juste avant d'arriver à. Comment ça s'appelle du côté de Saint-Avold, des coins là-bas, il y en a aussi. Il y en a, oui. Donc, il y a les éoliennes, il y a donc le solaire. On appelle aussi les énergies renouvelables. Il y a le solaire qui est hyper perfectionné aujourd'hui. Il est capable de suivre le soleil jusqu'au coucher. Il y a certainement d'autres... Alors, moi, je me marrais. Sur Internet, il parlait d'un mec comme... Henri Tesla, non, je crois que c'est ça. Mm-hmm. Henri Tesla qui avait, paraît-il, inventé un générateur à mouvement perpétuel et qui produisait de l'électricité. Enfin, on peut s'en servir pour produire de l'électricité. On met comme une dynamo, le principe d'une dynamo. Et il tournait tout seul le truc. Mais alors, il allégué ça, paraît-il, alors c'est sur Internet, il allégué ça, paraît-il, à la science. À l'humanité, et on n'en entend jamais parler, et donc on se dit où c'est calculaire, où c'est complot d'État, dans le sens où l'État ne gagne pas un rond dessus, c'est... Donc il ne s'est pas fait breveter, il n'a pas protégé ça. Ça appartient à tout le monde. Il l'a légué à l'humanité. Oui. Henri Tesla, je crois que c'est Henri Tesla, c'est ça. Oui. J'aimerais avoir peut-être une réaction de Magali à tout ce qu'on vient de dire aussi. Non, parce que tu parlais des éoliennes, que ce serait bien d'en avoir en France, mais il y en a qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent que ça provoque des maux de tête. Ça fait du bruit, oui. Ça fait un petit bruit. C'est pas forcément esthétique, peut-être aussi. Moi, j'entends que c'est beaucoup que ça gâche l'environnement. Est-ce que j'ai regardé une émission, il disait, il en avait deux, trois devant chez lui, il a dit ça fait du bruit et c'est pas beau pour l'environnement. Ouais. Non, franchement... Après, ça se discute, je veux dire. Voilà. Oui, ça se discute, parce que je suis pas d'accord avec toi, Magali. Quand je suis revenue de Bure, justement, on est allé voir des éoliennes qui fonctionnaient pas loin. C'est vraiment étrange parce qu'il y a l'un et l'autre. Parce que tu t'engages activement pour l'histoire de, des déchets enfuis à Bure. Non, pas exactement. Pas j'étais du site de Bure. J'étais allée faire une marche il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Et bon, voilà, sur place. Et ça fait du bruit, les éoliennes ? Ça fait beaucoup de bruit ? Eh ben, moi, j'étais à côté, mais franchement... Ça siffle hein, quand même. À chaque pale qui passe, ça frappe quand même l'air. Hein, Mais après, c'est pas, je veux dire, c'est pas la même nuisance qu'une voiture, qu'un camion, qu'un train, qu'un avion. C'est des nuisances sonores différentes à chaque fois. Oui. Hein. La nuit, quand je dormais là-bas, j'ai fait une formation là-bas, donc j'étais dans un internat. À Bure ? Je dormais là-bas dans un foyer. Dans une chambre. Oui. J'entendais justement un bruit de sifflement. Je croyais que c'était. Je me transforme en éolienne. Je croyais que c'était ADMC. Je croyais que c'était le DMC. La VMC. La VMC. Ah, c'est pas pareil. La VMC. Mais c'est vrai que ça fait un bruit. La VMC. C'est quoi la VMC? Ou la VMC. C'est une aération technique électrique d'une maison qui est souvent humide pour justement aider à ventiler l'humidité. Tu croyais que c'était ça? J'ai cru que c'était soit ça, soit les éoliennes. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais on peut confondre. On peut confondre. Oui, non, mais tout à fait. Peut-être une réaction de Mika sur tout ce qu'on vient d'évoquer aussi. Il y en a qui ont des éoliennes dans leur jardin. Oui. Après, on revient à une responsabilisation individuelle. Bon, il y a aussi des aides pour aller vers les énergies renouvelables. Parce que j'ai l'impression qu'on en revient à un problème économique, notamment au niveau des lobbies. Hein. Comme souvent, il y a plein de choses qui peuvent se faire, des choses plus alternatives, mais certains lobbies sont tellement omniprésents, omnipuissants, qu'ils ne permettent pas au développement et à la place de ces produits sur le marché. Alors, sur ces belles paroles, hein, qui sont fort intéressantes, on rebondira après. On va peut-être se faire une deuxième pause musicale, les amis, avec Marc Knopfler, Get Lucky. On se retrouve tout de suite après sur Radio Game Ozo. Better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows. And I might get lucky now and then. Win some, might get lucky now and then. You win some. Wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I wonder about the happiness and money, tell it to the breadline. But you might get lucky. Might get lucky now and then. Yeah, you win some. just lay me down under this old tree. On and on we go through this old world of shuffling. If you've got a truffle dog, you can go truffling, and you might get lucky. So you might get lucky now and then. You win some. Marc Knopfler, Get Lucky, nous sommes en compagnie toujours de nos amis Félicie, Magali, Segundino, notre ami Mika et JB, voilà, pour vous servir dans cette nouvelle émission de 90 minutes pour Boomerang. Eh bien, je voudrais rebondir sur ce que Mika nous avait lancé comme opinion et comme sujet. Maintenant, il va falloir argumenter sur les lobbies, c'est très intéressant et c'est tellement vrai. Il a oublié. Ah non, je n'ai pas oublié. Non, pas du tout. Bah, après, argumenter, il y a par exemple l'exemple, on ne va pas les prendre un par un, mais le lobby du pétrole. On sait bien qu'il y a des énergies alternatives à celui-ci. Rien que pour le carburant, je veux dire, on pourrait tous rouler avec des carburants biologiques. Il y a des choses qui sont au point. Et qui ne sont pas mises sur le marché parce que les énergies fossiles, pour toi, tu penses qu'elles sont finalement aujourd'hui limitées dans le temps au niveau des ressources? Ah ben ça, c'est ce qu'on évoque en tout cas. Ah ben oui, ils disent. Un jour ça va. Je suis pas spécialiste, mais c'est apparemment ce qui est avéré. Oui, Félicie. Moi, je voudrais poser une question totalement bête, mais qu'est-ce qu'un lobby? C'est le cas de le dire, on parle d'animaux, d'énergie. Je ne sais pas ce qu'est un lobby, en fait. Alors peut-être que, Mickaël, tu peux nous éclairer. Un lobby, c'est une entreprise qui est surpuissante, qui a mainmise... D'accord. Donc on est toujours dans la domination, c'est pour ça que c'est intéressant de rebondir sur ce que tu dis, Mika. Bah oui, et là, en l'occurrence, ouais, ma mise sur les marchés économiques. Entre autres, le pétrole, puisque tu évoquais cette énergie fossile qui domine pour l'instant un petit peu le monde, entre guillemets. Après, on peut encore parler d'autres lobbies, même si on s'éloigne un peu du sujet. Mais sur non, mais ce c'est intéressant d'évoluer le sujet, de le faire avancer aussi. Le lobby pharmaceutique, par exemple. Par exemple. Hein, après, on se demande pourquoi les personnes sont soignées aux médicaments, pourquoi on leur prescrit des médicaments. Ben parce que derrière, tu as cette industrie pharmaceutique qui est plus puissante que le reste, alors qu'on sait bien que ça serait plus sain et tout aussi efficace pour certaines maladies de se soigner avec des plantes. Évidemment, ouais. Alors est-ce que ça c'est peut-être en train de... Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une prise de conscience aussi du soin par les plantes quand même depuis quelques années? Ça se développe quand même parce que on s'aperçoit aussi que tout ne se traite pas par le chimique. Il y a quand même un... Et qu'on a déjà beaucoup de médicaments naturels autour de nous. Le problème, Jean-Baptiste, c'est qu'il y a un lobby pharmaceutique qui se fait aussi sur les plantes. Oui. C'est-à-dire tu maîtrises bien le mot lobby maintenant. Oui. C'est bien. Oui. Ils se débrouillent pour faire des gélules avec de la poudre de gentiane, par exemple. Je ne sais pas pourquoi c'est bon dans la gentiane, mais par exemple l'ortie pour la circulation du sang. Moi, je conseille aux auditeurs d'acheter les cartons avec les plantes découpées dedans plutôt que des gélules à base de poudre d'ortie. Ça a beaucoup moins d'effet. C'est beaucoup moins naturel, ça n'a pas poussé dans les mêmes conditions, ça n'a pas été traité dans les mêmes conditions. Donc même les pharmacies qui font dans le bio, dans le naturel, maintenant, il y a des, comme vous dites, des lobbies qui font de la pharmacie. La gelée royale en gélule, je suis désolée, ce ne sera jamais une gelée royale naturelle. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'homéopathie, d'une manière générale, Félicie ? Est-ce que tu l'utilises déjà, toi, sans vouloir être indiscret ? C'est quelque chose dans lequel tu adhères par rapport à des petits mots MAUX que tu peux avoir dans la vie ? Oui, moi, disons que j'ai fait de la tétanie, on m'a donné de l'homéopathie, il se trouve que ça n'a absolument pas marché. Mais je trouve que c'était un problème de stress et tout. Et il paraît, en fait, que l'homéopathie, il faut attendre d'en avoir pris 5, 7 ans pour que le corps s'habitue aux effets. C'est-à-dire que si on prend de l'homéopathie maintenant, on ne peut pas voir les résultats dans 6 mois. Peut-être dans 2 ans, 1 an, 2 ans. Mais on ne peut pas comme ça, ça ne peut pas soigner vite. À part évidemment les imbattables arnica, quand on se fait un bleu ou une crampe ou qu'on se fait une entorse. Pour les enfants, c'est fabuleux, l'arnica. Moi, je suis pour l'homéopathie. Hein. Je pense que ça soigne. Mais il faut quand même une certaine habitude à ce genre de produit. Quoi. Est-ce que finalement, par rapport à notre thème que tu as lancé en début d'émission sur dominant-dominé, on peut peut-être pas l'élargir au fait aussi que l'homme se retrouve un peu dominé par des mots MAUX qu'il a développé finalement avec le stress, par exemple, par rapport à des conditions de société sociale, des choix de société, de projets de société finalement, où l'être humain, où l'humain n'est pas au cœur des choses. Est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment ? Et finalement, on est tous dans un manque de repères, ou la plupart, et ça génère peut-être des maladies psychosomatiques ou même physiques, physiologiques au bout du compte, somatiques. Le dos. Le dos, par exemple, le stress, d'une manière générale, qui entraîne des problèmes de dos ou d'autres, et qui font que, justement, on se retrouve à devoir être soigné par des nouvelles formes de médicaments à inventer ou à développer ou à peaufiner à cause de ces nouvelles maladies, entre guillemets. Michael ? Et on en revient, dans ce que tu dis, je complète par les lobbies, mais pas que, mais oui. Certains profitent de ces fragilités humaines pour faire du pognon. Donc on est dans la domination pure et simple capitaliste. Oui, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a un manque de repères. Parce qu'il y a des... Il y a des médecines qui existent. On va pas parler du magnétisme ni de l'ergothérapie. C'est pas une médecine, voilà, le magnétisme. Je ne veux pas parler des médecines parallèles ésotériques. Non. Qui peuvent accompagner la médecine traditionnelle. Non, parce que en fait, je me suis intéressée à plusieurs médecines comme ça, un peu parallèles, et la seule qui me semble scientifique, d'ailleurs qu'il le soit, c'est réel. C'est à 4000 ans, c'était en Chine il y a 4000 ans, c'est la réflexologie. On a tous sous les pieds et dans le visage des points qui relient en fait nos organes. Oui, comme l'acupuncture aussi. Oui, ça ce sont des médecines avérées. C'est des trucs parallèles, mais c'est pas le magnétisme, ça peut être ésotérique. Le magnétisme, c'est un échange d'énergie entre deux individus. Oui, mais c'est spécial. Pour agir sur l'énergie d'un organe ou d'un souci de dos. C'est plus ou moins efficace, alors que la réflexologie... Après, je redirai la même chose que disait Mika par rapport au lobby tout à l'heure. Il y a toujours une part de profiteurs et de charlatanisme dans n'importe quel milieu pour profiter de la fragilité, de la faiblesse, de la détresse d'une certaine catégorie de personnes. Et à côté de ça, il peut y avoir aussi des gens vraiment qui s'avèrent véritablement avec un don et qui le maîtrisent, qui le développent et le pratiquent à bon escient aussi. Alors, Segundino et après Michael. Alors, quand on voit là les actus, on entend parler des gens qui meurent parce qu'ils prennent trop de médicaments antidouleurs. Donc, des médicaments à base d'opiacé, c'est ça ? C'est aux États-Unis, je crois que ça fait qu'ils ont fait le constat. Ils prenaient banalement des médicaments antidouleurs, que ce soit pour le dos, vraiment banalement, et ils en mouraient. Ils en meurent. Et en France, je sais pas si on fait le même constat. Pourquoi ? Parce qu'on prend beaucoup de médicaments ici en France. Les personnes qui meurent de prendre des médicaments antidouleurs, oui, trop. trop beaucoup. Mais trop. Tu as lu ils ça en prennent pendant des années. J'ai vu à la télé. À la télé, tu avais un reportage là-dessus. C'est moi, je non, sais pas. Non, j'ai vu aux infos qu'aux États-Unis, des gens mouraient parce qu'ils prenaient depuis trop longtemps des médicaments anti-douleurs et que les pharmaciens donnaient sans quasi-ordonnance. Oui, ça donne ça. Mais ça a été. Il y a eu des officialisées. Études qui ont été faites, officialisées là-dessus. Officialisées, oui. D'abord, Michael voulait réagir aussi. Moi, c'était juste par rapport à ce que tu avais dit, Jean-Baptiste, quand tu évoquais le charlatanisme. Malheureusement. Bah, pas tous, mais. Oui, non, mais malheureusement. Il faut en tenir compte. Mais, et ce qui est triste, c'est qu'à cause de charlatans, est jeté l'opprobre sur certains qui sont sérieux. Oui, qui, oui. Et c'est ça qui est toujours dommage. Oui, et Félicie. Moi, ce qui me met dans une colère, mais verte ou mais rouge... Mais vas-y, lance-toi. Ah, mais moi, ce qui me met dans une colère effroyable, ce sont les... Faut pas que je parle trop fort, quand même. Ce sont les prospectus que les personnes âgées reçoivent pour votre arthrose, du cartilage de requin. Ah oui, ça, j'ai déjà entendu, ils oui. Ils vendent oui. La poudre de perlimpinpin, mais ouais, c'est vraiment le cas de le dire. Ils donnent une poudre. Les personnes âgées sont peut-être un peu plus affiantes. Mais oui, parce qu'elles ont mal partout. Alors, elles essaient de trouver des solutions à tout. Et après, il ne faut pas qu'on tombe dans une... qu'on jette l'opprobre, effectivement, sur le charlatanisme. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas forcément non plus tomber dans une parano aussi, où on devient méfiant, où on se méfie de tout. Bah, parce que effectivement, comme vient de le rappeler Mika, il y a aussi dans ce lot des personnes vraiment sincères. Moi, personnellement, dans tout ce qui est énergie, magnétisme, j'en connais une qui est vraiment, vraiment très bien. Et cette personne-là, vraiment, a des résultats extraordinaires. Elle ne force personne, elle ne manipule personne, mais elle a des résultats. Et le bouche-à-oreille va très vite, dans un sens comme dans l'autre, et là en l'occurrence positivement. Oui, Félicie. Je suis pas Félicie. Magali. Mais Félicie aussi, Magali. Et que tu parlais tout à l'heure, parce que tu disais que il y en a beaucoup, c'est des charlatans. Ma mère a été voir quelqu'un à la Bresse qui l'a bien soigné, elle avait mal au cou, et c'est un monsieur, il met juste les mains sur ton corps. Oui, oui. Tu sens une chaleur. Sans toucher. Sans toucher. Ça m'a fait beaucoup de bien. Elle l'a bien soigné parce qu'elle avait mal au cou, mal au dos. Dans la région à la Bresse. À la Bresse. J'ai guéri une fille comme ça, je vous raconterai au rentaine. Ça l'a bien guéri. Mais toi, tu as guéri une fille. Je vous raconterai au rentaine. Donc, tu aurais peut-être un don. Non, ça m'est arrivé comme ça le jour-là. Qui n'est pas maîtrisé, finalement. C'est Guntino. Moi, je pense qu'il y a une histoire de placebo dans ces mains. Oui, il y a un effet placebo aussi. C'est le placebo, à mon avis, qui fait tout, et puis que tout le reste, c'est du charlatanisme. Et chacun convainc comme il le peut ses clients. Parce que, donc, tu crois beaucoup en l'autosuggestion, d'une certaine manière, c'est-à-dire la force de persuasion personnelle exact. Qui agit sur notre physiologie. La projection que tu fais sur cette personne, elle est sûre et tout, tout le monde te dit qu'elle est balèze, et tu viens. Et tu te persuades, en fait. Tu es déjà persuadé. Fais ton propre opinion. Après, elle te fait le. Non, mais même au-delà d'une opinion. Elle te fait le. Comment dire le. Comment on appelle ça L'échange d'énergie, en fait. La position. L'imposition. Elle travaille sur une. Elle te fait l'imposition des mains, et puis tu te relèves, t'as plus mal. Ou alors c'est 24 heures après que t'as plus mal. J'ai connu une personne comme ça qui a eu un cancer et qui est tombée sur un soi-disant toubi qui vendait justement ce cartilage de requin. Elle avait un cancer du sein et c'était assez critique quand même. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais écoute, il n'y a que les chimios, ça paraît dramatique parce que pour elle, je la casse complet. Et, donc le traitement chimique, je lui dis, pour l'instant, pour bien convaincre, je dis, parle-en à ton chimio, à ton médecin, ton cancérologue, et tu verras ce que je te dis. Elle risque le tribunal, cette personne. Après, je ne sais pas ce qu'est devenue cette personne, parce que... Après, Segundino, je crois qu'un bon énergéticien magnétiseur mettra dans son cabinet qu'en aucun cas il remplace une médecine traditionnelle et un soin traditionnel, comme la chimiothérapie, qui est à base de chimie. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc on est un peu dans le paradoxe par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a des choses qui sont incontournables par rapport à des maladies qui existent et qui sont des fois mortelles, la plupart du temps, souvent, en tout cas, hélas, encore, mais que ça peut être un accompagnement. Il faut bien qu'il le stipule. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire plus de mal à la personne. Après, l'effet placebo, l'autosuggestion, est-ce que la personne, du fait de se persuader qu'elle peut guérir grâce à cette technique, agit elle-même sur son propre métabolisme de sa maladie. Pourquoi pas ? C'est une thèse qui est envisageable, qui a déjà été exploitée d'ailleurs. Ce placebo, il vient de son entourage, il vient du manque d'espoir, et puis elle va chercher de l'espoir partout, que ce soit de la religion, que ce soit, j'ai connu ça moi-même, que ce soit de la religion. Oui, pour les miracles, soit, par exemple, des maladies qui à Lourdes. Ou juste un apport de volonté, pour mieux supporter, ou mieux enviser, mieux appréhender l'avenir. Non, on est d'accord. Ça reste, à mon avis, ce que tu obtiens, c'est mieux appréhender l'avenir, et un apport de volonté, mais tu n'obtiens pas de miracle sur un cancer. Non, enfin, mais quoi, évidemment, mais le vrai énergéticien ne le prétend pas. Ouais. D'ailleurs, il le stipule mais dans son cabinet. Lui, il n'est qu'un réflecteur, il n'est qu'un miroir qui va te renvoyer la projection que tu fais sur lui. Ok. Est-ce que vous avez peut-être des opinions différentes ou un avis complètement inverse, opposé à celui de Segundino sur ce domaine-là ? Peut-être Mika ? Moi, j'aime bien compléter ce que vous dites. Souvent, je suis d'accord avec la plupart de vos propos. Aujourd'hui, c'est le cas avec Segundino sur ce que tu viens de dire sur l'autosuggestion, avec ses limites, comme tu le disais, pour certaines maladies. Je veux dire, je pense que même cette méthode Coué n'y peut rien. Par contre, ce qui me paraît essentiel, et je vais même dépasser ce qu'on disait quand on évoquait l'énergie, je vais même donner d'autres domaines qui vont nous éloigner un peu, mais sur un point qui est pour moi, qui fait tout, c'est ne pas, laisser les personnes croire en ce qu'ils ont envie de croire pour avancer et ne pas briser leurs croyances, puisque on aura tous, autant que nous sommes, des moteurs différents, et chacun doit trouver c'est le sien. C'est au cas par cas, en fait. Et ne doit pas casser t'as raison, l'autre Mika. Quand il croit en quelque chose. Et bien, si ce n'est pas notre cas, le moral, c'est pour ça qu'il existe plusieurs techniques parallèles, comme l'acupuncture, comme d'autres techniques, et chacun est libre, on ne force personne à essayer aussi en plus, finalement vivre le soin de sa maladie, appréhender le soin de sa maladie comme il l'entend par rapport à ses propres convictions. Quoi. Je vais être triste, mais c'est comme chacun est devant sa mort, en fait. Oui, bah, c'est ça. Ça on est tous différents, finalement, par rapport à l'appréhension qu'on peut avoir sur sa propre maladie, si on en développe une et qu'on en est conscient. Est-ce qu'on veut se faire soigner en chimio ? Est-ce qu'on veut essayer d'autres techniques ? Est-ce qu'on veut mettre plusieurs techniques en même temps de front pour se donner le plus de chance ? Ou est-ce qu'on veut complètement abandonner toute thérapie et laisser la maladie évoluer ou prier ? On a plusieurs choix qui s'offrent à nous, en fait. Mais est-ce qu'on a toujours le choix ? Ça, c'est la grande question. Parce qu'on a la pression de l'entourage aussi. C'est comme des fétiches. Lâchez voir votre fétiche et on va voir comment vous réagissez. Oui, c'est intéressant, ça. C'est comme votre doudou d'enfant. On vous le prend, vous ne dormirez pas de la nuit, vous allez brailler, vous avez tout cassé. Oui, c'est des réflexes. Il y a les réflexes d'enfant. Et puis, il y a aussi les... Enfin, ce n'est pas pour empêcher les gens d'y croire ou pas y croire. Je donne un avis, Bien sûr. Un fétiche, c'est exactement le même effet que le magnétiseur lui-même. C'est un miroir. Oui. C'est un placebo. Oui. Tu projettes dessus. Enfin, j'explique. Je pense, moi. Hein. Tu projettes dessus une guérison ou une chance ou par coup de bol, tu vas gratter, tu auras de la chance. Et puis, l'autre jour, tu n'en auras pas. Hein. Mais pour toi, ce fétiche, c'est lui qui te mène là où tu es. Bon, si tu crois comme ça, si c'est bien, si ça ne te tue pas, si ça ne te mène pas à la ruine et à la faillite. Eh oui. Non, mais c'est sûr, on t'a coupé. J'ai fini. Mais c'est vrai que moi, quand j'allais pas bien, je prenais mon nounours de quand j'étais petite, pas mon doudou, mais un nounours que j'ai eu plus tard, et je lui parlais, et j'avais l'impression qu'il comprenait, puis j'avais l'impression qu'il avait les yeux tellement malheureux. Ça tu le faisais vivre, en oui, fait. Oui, voilà, je le réconfortais. Oui. Et justement, ça, c'est intéressant tout ce que vous évoquez, parce qu'on est quelque part dans une autosuggestion, c'est ce qu'on évoque finalement, mais est-ce que c'est pas là toute la magie de la chose ? C'est que ce pouvoir de persuasion qu'on peut avoir sur nous-mêmes fait que justement, on est peut-être aux limites aujourd'hui dans les connaissances du cerveau, de ce que la science peut découvrir et observer et maîtriser du cerveau, aux prémices finalement, et que le cerveau est une machine extraordinaire, dans laquelle finalement on ne connaît peu de choses, même peut-être pas 10%, hein, de ce qui est dit dans les chiffres, des études qui sont faites sur le niveau de recherche qu'il y a sur le cerveau humain, sur la conscience, sur son fonctionnement, sur tout cette, finalement cet univers infini, de l'émotionnel, du même de l'astral, entre guillemets, pourquoi pas aller sur d'autres dimensions et s'ouvrir à d'autres domaines de ce qui est visuel, de ce que l'on peut percevoir avec, avec nos yeux, de ce qu'on peut entendre avec notre ouïe, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions aussi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la preuve de l'un ou on n'a pas la preuve de l'autre. Stéphane Hawking, c'est parti, mais moi, j'ai peur d'aller dans l'espace. Mais finalement, pour rebondir à ce que tu disais, Segundino, et puis par rapport aussi à ce que tu disais, Michael, ça se rejoint, est-ce qu'on n'est pas finalement dans des zones de confort? Est-ce qu'on, l'être humain, naturellement, ne se résout pas finalement à vouloir rester dans sa zone de confort, être dans ses propres convictions et pas forcément peut-être essayer de s'ouvrir plus? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'avoir un esprit plus large, de s'ouvrir. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on cautionne des choses sur lesquelles on s'ouvre, mais justement avoir cet esprit de curiosité, de découverte, d'apprendre. Et puis ensuite, peut-être, par rapport à ses convictions, son vécu, son ressenti, sa personnalité, se faire ses propres opinions qui peuvent évoluer dans le temps avec la vie. Moi, personnellement, j'étais croyant aux médecines parallèles. Je suivais beaucoup mes parents, mais surtout mes parents. Ouais. Et j'étais pour moi naïf. Eux l'étaient tout autant, et un jour j'ai décidé d'écrocher de tout ça. Mais ça, c'est ton propre constat. On ne peut pas le généraliser comme disait Michael à tout le monde. Bien sûr. Je préférais croire à ce qui était palpable que... Peut-être cartésien, alors. Voilà. Exactement. D'accord, ok. On va se faire une dernière pause musicale avec Monsieur Madame et le titre Merci avec un Y. On se retrouve tout de suite après. Ce matin, je m'appelle Merci. De la mer entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis tous ces enfants que la mer a appris. Ce matin, je m'appelle Merci. Super entraînant et rythmé, monsieur, madame, avec le titre Merci, qui concourt pour l'Eurovision. C'est bien ça, Magali? Oui. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Gemozo dans l'émission 90 minutes pour Boomerang. On se retrouve pour le dernier quart d'heure et on enchaîne avec notre amie Magali, justement, qui va nous parler aujourd'hui de la passion en héritage de l'entreprise Thirier. Oui, voilà. Tout a débuté en 1966 lorsque Maurice Thirier décède prématurément. Claude Thirier, son fils, tout juste âgé de 19 ans, décide alors de rejoindre sa mère et sa sœur pour travailler à leur côté, dans la boulangerie, parce qu'à l'époque, ils n'avaient qu'une boulangerie. Mm-hmm. C'est toujours à Éloi, familial à Éloi. Dès lors, il n'a plus qu'un seul credo, poursuivre le travail accompli par son père. Prennent à profit le savoir-faire acquis et veiller à la qualité irréprochable de ses produits. Nous savons bien que le Thirier, c'est des bons produits. Visionné et audacieux. Mais qui reste surgelé quand même. Oui. On t'écoute. Oui. C'est toujours surgelé. C'est mon côté. Il s'est fait prendre les décisions nécessaires pour faire entrer la société Thirier. Un an plus tard, il met en place un service de livraison à domicile inédit qui connaît un franc succès, parce qu'avant, il n'y avait rien du tout. Dès son lancement. Très attaché à la Lorraine natale et en plus à ses montagnes vosgiennes qu'il n'a jamais voulu quitter, il a installé son usine et son siège à Éloi, à 300 mètres de la boulangerie historique. Aujourd'hui, outre les brioches glaces maison qui font son succès, Thirier propose une large gamme de tout surgelé, brut ou cuisiné, de l'apéritif au dessert. Je vais vous dire quelques exemples. En France, il y a 170 magasins. Livraison en Suisse, en Belgique. 1300 produits apéritifs ou desserts. 400 glaces et pâtisseries fabriquées à Éloi, qui font eux-mêmes. 150 nouveautés par an qu'ils étudient. Produits phares, la brioche, il s'en vend en France plus de 4 millions vendus. Donc, il y a effectivement, ça répond à une offre. Alors, la première question qui me vient à l'esprit par rapport à ce développement du surgelé à travers cette enseigne, Thirier, est-ce que ça répond pas justement à la vie que les gens ont aujourd'hui, qu'on a tous aujourd'hui, une vie accélérée où on n'a plus l'énergie, l'envie, le temps, entre guillemets, où on se donne plus le temps aussi peut-être de faire à manger et on mange du surgelé en pagaille, quoi. Parce que qu'en pensez-vous? Bah, je dis... Magali, pardon. Je voulais dire quand même, le frais, c'est quand même meilleur que le surgelé, si tu as le temps. Ouais. Bon, je ne dis pas que Thirier, c'est mauvais, mais faites maison, c'est quand même mieux, parce que dans les produits surgelés, il y a quand même des conservateurs. Ouais. Tu en as déjà consommé, toi, des produits Thirier? Oui. Ouais. De tout, c'est-à-dire de l'entrée en passant par le... Juste les glaces. Juste les glaces. Bon, alors, encore à la limite, les glaces, on peut en faire soi-même aussi, mais les as-tu appréciées, ces fameuses glaces Thirier? Oui, oui. Et puis la brioche que tout le monde adore. D'accord. Et franchement, moi, j'ai été élevée aux glaces Thirier, pas par mes parents, parce qu'ils ne voulaient pas que je mange trop de sucre, mais chez les copains-copines. Elles étaient super bonnes, j'adorais. Mais comme dit Magali, moi, je cuisine pas Thirier, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on peut appeler moi-même ça cuisiner? C'est-à-dire réchauffer un micro-ondes au exactement. Four Moi, j'aime mieux prendre mon céleri, mes topinambours. Parce que tu as le temps. Il y en a qui n'ont pas le temps. Il y a des fois, je n'ai pas le temps. Le mardi soir, émission. Le mercredi soir, Oui, mais est-ce qu'on ne se donne pas le temps non plus? Est-ce que justement ce développement du surgelé ne répond pas, comme je disais, je reformule ma question, vous ne m'avez pas vraiment répondu, sur le fait que ça répond à un appel des gens finalement par rapport à leur mode de vie? C'est-à-dire c'est pour ça que ça se développe. Il n'y a pas que Thierrier d'ailleurs, c'est Gundino. Il s'adapte à la vie de certaines personnes qui ont une vie, bien remplie. Bien remplie en travail et peu remplie en... En temps pour se donner... Du loisir, se donner les moyens de se faire à manger. Oui. Après, ne généralisons encore pas non plus. Une règle qu'on observe sur une grande partie de la population. Pas que dans les Vosges, d'ailleurs. Il y a aussi des personnes qui sont trop seules, qui décide de pas acheter une tranche de foie de veau ou un steak, parce que le steak, ça va être une énorme côte de bœuf, qui vont préférer prendre un plat préparé. Mmh. Voilà. Les gens seuls, souvent, ils se font pas à manger. Oh, il y en a qui se font à manger, même si tu es seul, tu peux bien Je pense qu'il faut pas généraliser, mais quand même, si ça se développe autant, les surgelés, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, une trentaine, la fin des années 60, 70, ça se développe de plus en plus, les années 80 aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... parallèlement, paradoxalement, un retour aussi peut-être au fait des produits frais, de faire marcher les producteurs locaux. Bien sûr que si. Moi, je vois Julien Andrieux dans son émission, justement, qui est intéressante. Ouais. C'est une émission culinaire qui aborde justement. Mm. Elle aime bien en tout cas mettre en avant les produits locaux quand elle visite une région, de ramener justement ces traditions, de les faire connaître, de les partager finalement et de les faire. Se transmettre aussi c'est ça qui est intéressant, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de petits cultivateurs et producteurs locaux, même des couples de jeunes qui s'installent, et des restaurateurs de la même génération qui vont chercher ces produits-là pour peut-être faire redécouvrir les vrais produits aux gens, leur donner peut-être l'envie dans leur propre chez eux de recuisiner. Et de faire peut-être la guerre au surgelé, entre guillemets. De toute façon, c'est les légumes oubliés. Hein. Oui, et puis la viande, d'autres recettes et tout ça. Ouais. C'est Gundino. Et le prix de revient donc de ces produits surgelés, est-ce que c'est rentable? Alors, je ne sais pas, Magali, tu as étudié sur ta chronique? Est-ce que tu t'es posé la question? Moi, je pense que oui, personnellement. Sinon, ça ne se développerait pas. Ils ne construiraient pas des succursales comme le nouveau magasin à René Armand. Ça revient moins cher qu'un produit frais. Sans doute que ce n'est pas très cher. Il y a quand même la chaîne du froid. Il y a, comme tu disais, Magali, le conditionnement, le fait que ça soit surgelé. Et puis la préparation aussi. Donc ça a un coût après. Mmh. Moi, je vois quand même que c'est très présent. Même au-delà de cette enseigne-là, dans les supermarchés, tu as énormément la présence de surgelés. Dans tous les domaines. Thierrier, il y en a d'autres, d'autres marques. Thierrier, j'en vois très peu, moi, dans les endroits où je vais, moi. Je pense qu'ils ont leur propre magasin aussi. Ils ont leur propre magasin. Ils avaient près du l'Aldi. Mais t'avais Vivagel, la fraîcheur au frais, enfin je vous souvenais sûrement de ces toutes ces marques-là. On va se faire lyncher par Marcus. Ah oui. Mais le surgelé est quand même omniprésent depuis plein d'années. Mais c'est vrai que ça pose cette question d'une manière plus générale, que le surgelé, pour l'instant, il a une grosse part quand même dans les supermarchés, il est présent, et que c'est finalement un mode d'alimentation qui est pas mal réprimandé, et de plus en plus, alors que parallèlement, il est très présent et il continue quand même à se développer. Oui, oui. C'est quoi, rappelez-moi, c'est le topinambour qui a nourri tout le monde pendant la guerre? Il y avait le topinambour et le... Non, je ne sais plus, pardon. Ah, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais là, il ne t'écoute pas. Je vous dirai la prochaine fois. Marcus. Je viens de voir Marcus, j'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui. Mika. Moi aussi. Au-delà des Mika, il a plusieurs prénoms aujourd'hui. Ce que je trouve très intéressant par rapport à ce que nous a dit Magali, c'est cette réussite entrepreneuriale d'un monsieur qui part tout seul comme ça, qui part de rien, et qui construit, j'ai envie de dire, un empire... C'est le fils qui a repris. Ça me fait penser à Édouard Leclerc aussi, en son temps en Bretagne, qui a commencé avec ses petites épiceries après-guerre. Et quand tu vois la chaîne de magasins maintenant qu'il y a, même ici à Armirement, ça a commencé par la Bretagne, après la région... C'est comme le Thierrier, mon père disait toujours, il faisait que des glaces, et puis maintenant, l'empire qu'ils ont... parce qu'ils ont cru en eux-mêmes, ils ont finalement ouvert un filon qui n'était pas existant, et puis ils ont été très entreprenants et ils entrepreneurs ont... dans leur âme, quoi. Et puis ils ont su faire aussi des bonnes choses. Comme on dit, ils ont bien misé. Oui, tout à fait. C'est vrai. Faire des bonnes choses aussi. Et c'est Mika. Pour en revenir au fait de croire en soi, c'est que forcément, dans un cheminement, dans un parcours de vie, que ça soit professionnel ou autre, on a des bâtons dans les roues, et on a qui vont, tout à l'heure je parlais de fait de casser le moteur d'autrui, quelque chose qui va l'aider à avancer, quelque chose auquel il croit, eh bien malgré tout, faut toujours croire en ses possibilités, hein. Tous autant qu'on est, on a un potentiel et souvent inexploité, immense. Et donc faut y aller à partir du moment où on a cette étincelle qu'on croit en soi. Bah, tant pis si certains disent forcément il y en aura toujours. Ah non, c'est pas pour toi, ou n'y va pas, ou peu importe, foncez. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais l'exemple toujours dans les Hautes-Pyrénées où je vais souvent d'une personne qui a développé un marché hôtelier là-bas il y a une trentaine d'années et qui a commencé par une petite pension de voyage, de rien du tout, avec une petite épicerie pour que les gens s'approvisionnent pour leur casse-croûte. Et puis tout le monde l'a critiqué, tout le monde lui disait qu'elle était aveugle, qu'elle fonçait dans un mur, tout le monde l'a démotivée. Elle a continué, aujourd'hui elle a la tête... d'un empire hôtelier entre guillemets et elle s'en vante pas d'ailleurs, hein. Oui. Mais je veux dire elle a été dans une démarche, comme tu dis, Mika, mais c'est mignon. Et souvent ceux qui partent de rien comme ça, ils ont tout le nécessaire. Je pars à Montchamp, je vais pas faire de pub, mais il y a une jolie petite épicerie qui a été reprise, hein, qui est rénovée et tout. Souvent c'est des... Je suis allée récemment chez un bouquiniste, il y avait une petite table avec du café dehors. C'était magique. Souvent, c'est des passionnés, c'est vrai, qui ont des idées. Qui font de leur idée un empire, comme vous dites. Oui, Segundino. Il y a des gens qui ont des idées, puis qui sont ambitieux, puis qui s'en sortent bien. Ouais. C'est bien, ça encourage des fois nous-mêmes. C'est ceux-là qui encouragent les autres en y croyant. Ouais, ouais. Là, je passe à cartésien. Ils voient leur exemple, constatent leur exemple, réussi, pourquoi pas. Et tiens, pourquoi moi mon idée ne marcherait pas si je m'abstenais de regarder ceux qui veulent me dominer, justement, m'empêcher, me décourager. On a fait le tour de la boucle du thème. Je ferme le loquet et je m'occupe de mes affaires, et ça marche pas, tant pis, mais j'y crois. Après, l'ambition, c'est pas forcément quelque chose d'égocentrique. On dit souvent les gens ambitieux. Oui. On peut être ambitieux sans écraser le voisin. Même peut-être en entraînant peut-être des gens qui auraient envie d'additionner eux-mêmes leurs propres talents. Ouais. Parce que les talents qui s'additionnent, des fois, ça peut être intéressant. Hein. Je dirais même au contraire de l'égocentrisme. Souvent, dans ces projets de réussite, ce sont des personnes qui vont au-delà d'eux-mêmes, qui ont envie d'être au service des autres. Et ça va à l'encontre, là aussi, la boucle est bouclée, du lobbyisme qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour ce numéro de 88 pour Boomerang. Nous sommes heureux, en tout cas, d'avoir été en votre compagnie. Merci à tous ceux qui étaient présents en studio. On espère se retrouver dans 15 jours. Cette émission sera rediffusée lundi à partir de 9h. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. On pense bien sûr à Pascal et Dominique. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Dulce de la noche en la... Salvador, El Salvador.